La pluie a mis ses chaussons mouillés. La saison meurt au bras des nuages. L'automne se noue aux arbres givrés. Comme un vieux copain qui rentre de voyage. C'est la pluie qui tombait ce tantôt. Le ciel gris a tiré ses rideaux. Voici le sommeil et ses grands rivages. Viens dans ma bouteille, on y fera naufrage. Le vent s'affiche et dans ses vitrines, on voit l'hiver qui fait des grimaces. Comme un pantin que l'on imagine, pendu aux ficelles quelque part dans l'espace. C'est la neige qui tombait ce tantôt. Comment vais-je retrouver mon troupeau? Pour que son sommeil m'emmène en voyage, j'ai trop de soleil, alors on partage. Comme un corbeau qui tourne dans mon âme, seul tout en haut, le printemps nous regarde. Un vieil oiseau dans un regard de femme. Il fait un raccord, se fait belle et s'attarde. C'est la joie qui toussait tantôt. Revoilà tous mes amis pierrots. Dis, prête-moi pour une heure tes plumes. J'ouvre pour toi ma porte et mon costume.